Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse En mal de toi, le mal logement, une série de Jérôme Sandlars réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a ces semaines confinées chez soi et ces souvenirs de colocation où l'on se répartit les étagères du frigo. Et puis il y a les murs qui se fissurent ou les toits qui fuient, mais parfois aussi ces logements faits de palettes, de plastique et de tôle qui abritent des familles comme les autres. Alors pour commencer, les personnages. Des enfants sur le ballast, un ex-premier ministre, un homme quasi expulsé, une mère bricoleuse, un fils chez lui, des architectes et des associatifs et un anthropologue. Ensuite, le décor. La petite ceinture, des cabanes, une maison, une manifestation, des murs de paille, des poules, la porte de la chapelle, une forêt de pins et un poêle à bois. Aujourd'hui, premier épisode, les bidonvilles sont là. André, où est-ce qu'on se trouve là ? Nous sommes sur le boulevard Ney, nous venons de la porte de la chapelle et nous allons vers la porte de Clignancourt. Nous voyons déjà apparaître un pont ferroviaire au-dessus du boulevard Ney. Et c'est en dessous de ce pont ferroviaire que va être une des entrées de ce bidonville que les habitants nomment Platz. Alors sur notre gauche, il y a les voies ferrées, les anciennes voies ferrées de la petite ceinture. On est pratiquement déjà sous le pont ferroviaire. Il y a une odeur désagréable parce qu'effectivement, c'est l'endroit où les habitants du bidonville ont mis les toilettes. Et donc, c'est un peu comme à la campagne, il y a des odeurs. Il y a deux jeunes filles qui traînent une poubelle derrière elles. C'est lourd pour des jeunes filles quand même. Merci. Nous voyons avec satisfaction 3, 6, 8 poubelles. C'est à la demande des habitants et à la demande des associations évidemment que la mairie de Paris a enfin mis un nombre de poubelles beaucoup plus important qu'au départ. Sous le pont ferroviaire maintenant c'est propre. Les habitants ne mettent pas de déchets par terre. Les déchets sont apparemment ramassés puisque en ce moment les poubelles semblent vides. Alors sur notre gauche, on commence à apercevoir les premières cabanes en bois. Oui. Bon, l'entrée est là. Alors effectivement, elle est un peu sportive. Il y a une seule marche, mais elle fait quand même un demi-mètre, donc il va falloir y aller. Alors on enjambe une espèce de parapet. Et là, ça y est, on est sur les anciennes voies ferrées. Il y a en gros, on aperçoit un râle. Touche pas à ma cabane, de la porte de la chapelle à Saint-Martin-le-Beau. Vous entendez là, c'est le groupe électrogène, hein, et effectivement avec des lignes électriques qui vont dans toutes les cabanes, et c'est ce qui prouve en particulier que les habitants de ce bidonville là ne volent pas l'électricité à qui que ce soit, mais qu'ils la fabriquent eux-mêmes. Donc là on est au cœur du bidonville, sur les anciennes voies ferrées, hein, d'ailleurs on est en train de marcher sur les cailloux. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en France, plus de 16 000 personnes vivent dans des bidonvilles. Paris, la ville lumière, a aussi ses zones d'ombre. Ici, sur ces anciennes voies ferrées de la SNCF, 350 personnes ont trouvé refuge. La plupart d'entre elles ont fui la Roumanie pour échapper à la misère. Après plusieurs tentatives pour entrer dans ce campement illicite où les journalistes ne sont pas les bienvenus, nous avons finalement pu nous rapprocher de ses habitants grâce à André Fégélès, un membre du collectif Rome Paris. Au fil du temps, ce militant associatif a su gagner la confiance d'une partie d'entre eux en les encourageant à devenir acteurs de leur future insertion. Ensemble, ils ont créé les Bâtisseurs de Cabanes, une association qui regroupe une cinquantaine de familles du bidonville. Soutenus par la coopérative Construire Solidaire, des architectes et des bénévoles, leur objectif est clair, inventer des solutions de relogement pérennes afin d'enrayer le cercle infernal des expulsions. Une jeune fille qui porte un petit enfant plus jeune. Un jeune garçon qui en appuie sur une bicyclette trop grande pour lui. Du linge qui sèche. Des femmes qu'on aperçoit devant leur cabane avec leur bébé dans les bras. Et puis des dizaines de cabanes comme ça qui s'étendent à perte de vue de part et d'autre des voies ferrées. Elles sont toutes en bois, en contreplaqué, recouvertes bien souvent de bâches en plastique ou de carton. Il y a des jeunes gens qui traînent des caddies derrière eux, des enfants qui jouent sur les rails. C'est comme une rue en fait qui serait reconstituée avec des cabanes de part et d'autre. Et alors sur chaque cabane, il y a des numéros qui ont été inscrits au feutre violet. On peut lire 75, 73, 76, 78. Il y a combien de cabanes au total, vous pensez, André ? Entre 80 et 100, je pense, étalées sur plusieurs centaines de mètres. Ce que vous voyez là aussi, c'est les réchauds qui sont installés à l'extérieur des cabanes afin d'éviter le risque de propagation d'incendie à l'intérieur des cabanes. Vous voyez un peu le type de construction, c'est-à-dire que d'abord, on met des planches à l'horizontale afin de maintenir la structure, et ce qui permet d'élever les cabanes beaucoup plus vite qu'avant. C'est une technique. Ces cabanes sont exactement les mêmes que celles des années 50 ou 60. Il n'y a rien de changé à ce niveau-là aujourd'hui par rapport à hier. Les bidonvilles se sont réinstallés en France depuis à peu près 20 à 25 ans. Ça fait une dizaine d'années que le nombre de demandeurs de logements sociaux augmente et les derniers arrivés sont bien entendu les plus mal lotis. Il faut qu'on comprenne qu'en France, on ne peut pas laisser encore des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, français ou non, vivre dans ces conditions. Il faut que, à la fin de 73, pratiquement, ce soit fini. À Paris et en province. Car nous avons en province quelques cas difficiles, et là aussi, il va falloir que les préfets, les maires, s'y mettent. Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, février 1970. Ah, voici le traducteur. On a commencé déjà. Christiane, enchanté. Bonsoir. On a fait appel à un traducteur parce que dans le cadre du projet Hameau Passerelle qu'on essaye de présenter à la mairie de Paris, il y a une partie qui est connaissance des familles. Il faut qu'on montre à la mairie de Paris que ces familles sont très motivées pour s'insérer en France. Donc on a fait établir un questionnaire qui se divise à peu près en trois parties. La famille, de qui elle est composée, les dates d'arrivée en France, quelle a été leur vie en Roumanie, pourquoi ils sont venus en France et pourquoi ils veulent rester en France. Et il y a une partie aussi compétences. Là, on découvre effectivement qu'il y a des compétences qu'ils peuvent exploiter pour pouvoir s'insérer en France. Aujourd'hui, ils font les poubelles pour trouver des vêtements, pour trouver des bouts de ferraille, pour trouver des choses qui sont à recycler. Ils vivent de ça. On appelle ça les bifins, mais très peu sont légalisés. Il y en a qui le sont, mais pas beaucoup. Et une fois que les puces de Clignancourt officielles ferment, eh bien, on voit à côté beaucoup de gens qui arrivent pour vendre leurs vêtements, ce qu'ils ont ramassé dans la journée. Donc au milieu de la voie ferrée, c'est une belle cabane où habite M. Gaspard, avec du bleu turquoise. Et évidemment, elle est complètement recouverte de bois. Et puis, il y a une bâche en plastique par-dessus. Et alors là, devant la cabane, on est en présence d'un monsieur qui a les cheveux bruns, des yeux très bleus, ouais. La barbe, poivre et sel, une longue barbe. C'est qui ce monsieur? Il se présente. Mijlognel. Un des plus anciens habitants de ce bidonville-là. C'est bon, on peut? On se met dedans, Gaspard? Il y a des fils électriques qui courent le long des murs en bois. Avec des multiprises. Tout ça est bricolé. Tout ce qu'il y a ici sont ramassés de poubelles. Il y a des petites fleurs accrochées au plafond. Et puis sur le mur, il y a une image qu'on pourrait qualifier de quoi? De bouddhiste? Non, je l'ai trouvé et je l'ai mis là-bas parce que c'est joli. Alors sur un des autres murs, il y a des tentures. Et puis il y a un autre petit tableau avec une femme qui est en train de lire. Il y a des tournevis pour bricoler, des lunettes de soleil, une porte d'armoire mais avec une glace, et puis des sacs à main, et une photo avec des enfants. Et on est potique de l'émelle. Ce sont les enfants de mon fils. Un canapé, un lit. Il y a combien de personnes qui habitent ici, dans cette cabane? Ici, je dors avec ma femme, vient de casa. C'est lui avec sa femme. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici, Gaspard? Pe plațul ăsta a venit acum 4 ani. Il y a 4 ans, depuis quand il est sur cette bidonville. Et en France, il est depuis 5 années. Comment ça s'organise ici la vie? Viața aici așa este cam grea, pentru că știți de ce este grea. De atâtea ori am fost numai mărginași, goniți, izgoniți, nu am avut și noi stabilitate, ne-am dus la primărie să facem și noi acolo plângere, ne-au gonit ca pe câine afară. Ils ont pas le temps de s'organiser bien parce que tout le temps ils sont les gens qui sont jetés, qui sont marginaux. Même si eux, ils font des efforts, ils n'arrivent pas à avoir les droits minimales pour survivre. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous avez choisi cet emplacement ici? Parce que ce n'est pas évident de trouver un endroit dans Paris, quand on voit à quel point Paris est dense. Et puis après, comment vous êtes débrouillé pour monter toutes ces cabanes? Nous avons aflat locul ăsta aceea. Am trecut și noi pe aceea și n-aveam unde să ne punem și noi cu familiile, cu copiii mici. Ils ont trouvé presque par hasard, ils se promenaient en cherchant un endroit où on peut construire des petits baraques comme ça. Et après ça, ils ont commencé tout de suite de ramasser des mobiliers jetés et pour improviser ce baraque. Dacă la noi țara, deci țara ne permitea și nouă, măcar pentru a trăi, să putem să supraviețuim cu copiii noștri, noi nu veneam aici la Franța. Si nous, en Roumanie, nous avons quoi manger, on restait là-bas. C'est ça le grand problème en Roumanie. Même si parfois ils ont des maisons bricolées par eux, un peu plus stable, c'est très difficile à vivre, à se nourrir. Noi când ne-am dus la primărie, primarul ne-a spus că ne dă hoteluri. Da, hoteluri. Și noi am spus, ce fel de inițialement, hoteluri? Inițialement, nous, on a été à la mairie pour faire connaître notre problème avec le logement. Et comme solution, on propose qu'on vous donne des hôtels. Et eux, ils ont dit, mais nous avons besoin d'un peu de stabilité pour que les enfants aillent à l'école. Et la vie au hôtel, ce n'est pas vraiment une très bonne solution parce que les enfants, ils font du bruit, ils sont nombreux. C'est vraiment difficile à vivre. Il n'y a pas une cuisine. Ce n'est pas une très bonne solution pour eux. En 4 ans, Gaspard, vous avez vécu combien d'évacuations ici, sur ce bidonville de la Chapelle? Poate de 4-5 ori. 4-5 fois. Et malgré tout, à chaque fois, vous revenez ici. Il a dit qu'ils sont revenus ici parce que eux, ils ont cherché d'autres solutions, mais ils n'ont pas trouvé une autre solution. Il a donné un exemple. Si tu me donnes quelque chose à manger maintenant, je ne veux pas aller faire la manche. Donc, c'était la seule alternative de retourner ici. C'était la seule alternative possible. Ce qui est très surprenant ici, c'est que elles sont très habitées, très décorées, vos cabanes, en fait. Vous mettez des tentures au mur, il y a des objets religieux, il y a une horloge, vous avez même créé une fenêtre. Totuși, după cum ar fi o problemă și o situație, ne-am simțit bine și orice aceea, cum ar fi, dar să nu mai fim și noi deranjați. Donc, lui dit qu'ils sont contents même de rester ici, dans cette précarité, malgré le froid, malgré le nombre des enfants mineurs qui sont ici, le nombre élevé d'enfants. Eux, ils sont capables de créer des conditions minimales de vivre et de se sentir chez eux, mais avec la condition que la police les laisse tranquilles sans évacuation. Quand je me balade dans ce bidonville de la chapelle, je me dis, mais finalement, moi, si j'étais à cette place-là, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais pas trop bête, je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire, j'irais me choper un endroit un peu protégé, avec ma famille, construire quelque chose de plutôt abrité, bien construit, être étanche, et puis petit à petit, c'est de trouver un moyen de survivre, d'avoir accès à l'eau, d'organiser ma vie comme ça, en espérant que ce moment passera et qu'on pourra retrouver une vie meilleure. Bă, ține dă mâine seară, mă, cap de-ar pământul și omul ăsta. Bă, Dorina, ia, ce fac cu ele? Mă, cap de-ar pușcăria, ce fac cu ele? Ia, pădele. Olivier Leclerc et Cyril Anap, vous êtes tous les deux architectes. Vous avez créé Air Architecture, mais également une association qui s'intitule Acte et Cité. Et depuis maintenant 10 ans ou 15 ans, vous réfléchissez à la manière d'intégrer dans la ville, et notamment dans une grande ville comme Paris, les plus délaissés, les plus miséreux. Donc ça va des sans-abri, notamment avec le foyer pour sans-abri qui s'est créé en lisière du bois de Boulogne. Ça a été aussi à Grande-Synthe, hein, c'est ça, avec l'accueil des migrants et des cabanes, on peut dire, améliorées, qui ont été construites là-bas. Et puis aujourd'hui, vous vous préoccupez aussi de ces familles roms à travers l'association Les Bâtisseurs de Cabanes. Donc vous avez été sollicité pour essayer de réfléchir à la manière de reloger ces personnes qui sont aujourd'hui dans un habitat qu'on pourrait qualifier d'indigne. On s'est dit, voilà, il faudrait trouver une manière de résorber ces bidonvilles, de trouver un logement autre, différent, et éviter cette expulsion permanente. Olivier Leclerc. Là, ça fait la quatrième, troisième expulsion. Ça fait 3 ans que ça dure. Et c'est toujours les mêmes populations qui sont sans arrêt évacuées. Là, aujourd'hui, on a les moyens de trouver des logements transitoires. Donc, on appelle ça des logements passerelles. Donc, l'idée pour nous, c'est de construire une partie du bâtiment qui sera préconstruite avec toute la partie technique. Et toute la partie pièce à vivre, salon, chambre, ça, c'est construit en chantier école. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui vont construire leur propre logement. À l'issue de cette formation de construction, ils ont le droit commun. Ils peuvent prétendre à un logement social, trouver un travail, toucher des droits, etc. etc. Et comme ça, sortir du bidonville par la construction de leur propre logement. Ce qui est intéressant dans ce bidonville de la Chapelle, c'est qu'on a, un bidonville qui est dans les rails, qui est très difficile d'accès, c'est-à-dire accès à l'eau, accès aux ordures ménagères, accès aux soins, à l'école, pouvoir rentrer et sortir avec des poussettes, etc. Donc ils sont vraiment enclavés dans ces rails. Et là, on avait des réunions avec la mairie, et en gros, l'un des arguments pour les chasser, c'est de dire « c'est dangereux ». On se dit « bon, bah, si c'est que ça, on va construire un escalier avec les habitants ». On leur dit « voilà, on a du matériel, on n'est pas très nombreux, venez nous aider, on va construire quelque chose ». Et grâce à cet escalier, c'est pas juste un escalier pour monter, c'est un escalier vers le droit commun, justement vers le droit, vers les services. Et une fois qu'ils ont pigé ça, tout le monde s'y est mis, En quelques heures, on était une quinzaine sur ce chantier. À la fin de la journée, il était fini. Et c'était vraiment pas grand-chose à faire, mais rien que cette petite chose a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, quand vous y allez, vous voyez que y a, l'eau arrive plus facilement, les ordures ménagères sont gérées, les associations qui viennent pour les soins peuvent rentrer facilement, pour l'éducation, pour la scolarisation des enfants. Cette petite transformation permet aux bidonvilles de prolonger leur durée de vie pour augmenter leur capacité à s'intégrer à la ville. Cette maison a été conçue spécialement pour être réalisée en grande série grâce à un montage accéléré en 4 phases. Une plateforme en ciment, le bloc ménager, les cloisons, les murs et le toit. Ainsi, grâce à vous, le 20 février au matin, l'abbé Pierre donnait le signal du montage de la première maison des jours meilleurs. Le bloc ménager, support unique et élément principal de la maison, est d'abord posé. Il comporte à la fois cuisine, chauffage, lavabo et douche. C'est sur lui que repose tout l'ensemble de la toiture par l'intermédiaire d'une poutre centrale. 4 hommes suffisent dès lors à assembler panneaux de toiture, panneaux de façade et cloisons intérieures. En quelques heures, la maison a pris forme. Et déjà, la cheminée fume. Il n'y a plus qu'à pousser la porte. En 1956, Jean Prouvé, donc en réaction à l'appel de l'abbé Pierre, qui datait de février 1954, met au point la maison des jours meilleurs. À quoi elle ressemblait, cette maison? Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, architecte du XXIe siècle? La maison des jours meilleurs nous a beaucoup toujours inspiré, toute une génération d'architectes. Mais entre-temps, la société a changé, les modes de production ont changé, l'économie a changé. Et nous, on a pensé faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que en gros, on n'est pas dans un système de montage-démontage, on est dans un système de construction-déconstruction, avec recyclage des matériaux qu'on utilise. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le fait de travailler, de faire et défaire, de créer justement du coup de l'emploi, de créer du travail d'insertion. Et aujourd'hui, on arrive très bien à recycler les matériaux. On trie, on classe et on récupère 70 à 80% de ces matériaux-là. Ce qui fait que finalement, on a moins de pertes en faisant comme ça qu'en essayant de construire des modèles toujours les mêmes, préfabriqués et toujours assemblés de la même manière. On essaie d'avancer un peu plus en partant de la maison des gens meilleurs, mais en s'adaptant aux situations d'aujourd'hui et au contexte économique et sociaux d'aujourd'hui. Des petites maisons normales, et puis on n'a pas cette chance, ils veulent expulser. C'est vrai, il y a des gens qui font la manche, il y a des gens qui récupèrent du ferraille, mais on n'a pas le choix. Il y a presque 300 personnes sur le bidonville qui sont inscrites à Pôle emploi depuis 3 ans. Février 2016, les Roms du bidonville de la Porte de la Chapelle manifestent, une fois n'est pas coutume, devant la mairie du 18e arrondissement à Paris. Semaine après, on se trouve aussi dans la rue. On veut plus ça. Maintenant, on attend le préfet, s'il te plaît, si c'est possible. Sinon, on va rester là. La mairie, en face, en primaire, ils tranchent tous, en face, à face de la mairie, tout le monde. Non, expulsion. On a des solutions. Non, expulsion. On a des solutions. Non, expulsion. Allez-y, je vous en prie. Regarde-la, ma ville, elle s'appelle Biton, Biton, Biton, Bidonville, vivre là-dedans. C'est coton, les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger dans les chambres, l'air me pousse pour y dormir, faut se pousser, les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines. Bidimbam, bidimbam. Pirimbam, pirimbam, pirimbam, donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Oh, donne-moi ta main, camarade. J'ai 5 doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. Pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam, pirimbam. Alors là, on est à environ 300 mètres du bidonville, de la porte de la chapelle, à Paris. Et on se dirige en compagnie de Nathalie Jantet, qui est bénévole au Secours catholique, et d'Aline, un ancien habitant du bidonville, en direction d'un café, porte de Clignancourt. Aline, vous êtes roumain et vous avez vécu un moment dans ce bidonville de la Chapelle. Oui, je suis arrivé en France depuis 2009. Je travaillais jusqu'à 2014. Après, j'ai perdu mon travail. Donc, une fois que j'ai perdu mon travail, je ne pouvais pas payer mes loyers. Et je me suis trouvé dans une bidonville pour 2 mois. À l'époque, je travaillais dans le bâtiment, mais depuis 2015 jusqu'à 13 mai 2017, j'ai été cuisinier dans un hôtel-restaurant 4 étoiles à Paris. Pourquoi ça s'est arrêté alors au bout de 2 ans, ce travail de cuisinier? Parce que le bidonville du port de la Chapelle et Clignancourt, c'était détruit. C'était une grosse expulsion en février, 3 février 2016. J'étais allé à un hôtel dans 78, à Trappe, un hôtel social. Et puis le trajet, c'était très loin. C'était 50 km aller, retour 50, c'est 100 km par jour. Quand je travaillais que la nuit, il n'y avait pas de transport pour rentrer chez moi. Et puis j'aurais résisté 2 ans, mais après, c'est très difficile. Nathalie Jantet, vous êtes bénévole au sein du Secours catholique et vous suivez ces familles roms donc, qui habitent ce bidonville depuis le début. Ça a démarré quand tout ça? J'ai connu les premières baraques fin 2013. Après, ils ont subi une expulsion en 2014 et se sont réinstallés l'année suivante, 2015, pour être à nouveau expulsés en 2016 et à nouveau expulsés en 2017. C'est la quatrième fois que le tribunal va donner une décision qui peut donc être fatale pour eux, c'est-à-dire encore prononcer une énième expulsion. Il y a 300 personnes et ils savent bien qu'il n'y aura pas 300 solutions de relogement. Il n'y aura que les plus fragiles ou les plus malades qui pourront être mis dans des hôtels sociaux, mais quelques jours. Et puis, ils préfèrent rester un moment ici et puis, petit à petit, s'en sortir individuellement. D'ailleurs, c'est ce à quoi on s'emploie. Mais il faut un peu de temps. Si on les expulse tous les 3 mois... on n'y arrivera pas. Et là, on a beaucoup de personnes qui sont engagées dans les démarches pour l'emploi, dans les démarches de scolarisation, qui vont être à nouveau mises en échec. Personne n'a envie d'y rester, c'est clair, personne. C'est juste un palier dans leur vie, enfin une étape, ce bidonville. Mais ils savent très bien que c'est ça, ou le trottoir, ou la rue, ou... Donc ils préfèrent encore être là, parce que construire une petite cabane dans un endroit discret, c'est quand même une vie plus digne pour eux. Une fois qu'ils ont déterminé l'endroit où ils allaient s'installer, en fait, comment ça se passe? Comment ils font pour pouvoir y rester? Ils commencent à construire une première baraque. Et là, s'ils ont la preuve d'être installés depuis plus de 48 heures, à ce moment-là, les policiers n'ont plus le droit de les expulser. Et donc, il faut faire une action en justice. Donc, comment est-ce qu'ils apportent la preuve qu'ils sont là depuis plus de 48 heures? Alors, toute preuve est possible, c'est-à-dire qu'ils font des photos, donc les photos sont datées, donc ils ont la preuve d'être sur le lieu. Ils commandent des repas avec l'adresse de livraison sur le ticket. Ils peuvent aussi demander aux associations qu'ils connaissent de faire des attestations pour prouver leur vie sur ce lieu, sur cette adresse précise. Alors, Olivier Perroux, vous avez beaucoup travaillé sur l'économie grise qui est associée à ces bidonvilles, parce qu'on se rend bien compte que cette misère crée une économie parallèle. Oui, alors, dans toutes les migrations qui s'inscrivent un petit peu dans les marges, malheureusement, il y a toujours des gens qui profitent, qui souvent peuvent être co-nationaux ou appartenir aux mêmes communautés, qui vont profiter en fait des nouveaux arrivants. C'est le fonctionnement des marchands de sommeil et on a un fonctionnement à peu près similaire dans les bidonvilles. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont faire payer un droit d'entrée, qui vont faire payer la construction d'une cabane, qui vont parfois même mettre en place un petit magasin où les gens seront obligés d'acheter des produits de ce petit magasin. Par exemple, en région parisienne, sur la construction des cabanes, ça va être du 100-150 euros. Donc, y a toutes sortes de petits commerces ou même sur des caravanes. Il peut y avoir des reventes de caravanes qui ne roulent plus aux alentours de 200-300 euros. Donc, c'est ce type de prix qu'on peut trouver. Encore une fois, les personnes sont obligées après de rembourser. Elles n'ont pas les ressources. Et l'absence de suivi social font qu'en fait, elles sont complètement dépendantes de ces personnes qui sont les seules finalement à leur proposer un hébergement et donc qui profitent de cette situation-là. Donc, il y a les conditions d'accueil qu'il faut modifier. Le fait de cantonner ces personnes dans les marges crée ensuite des phénomènes d'économie grise et parfois voire de petite criminalité parce que les personnes se retrouvent prises au piège et souvent donc abusées par des compatriotes qui profitent de leur situation de vulnérabilité. Sylvain Mathieu dirige la DIAL, la délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées. Rattaché au Premier ministre, il a notamment pour mission de résorber les campements illicites et bidonvilles en France. Je ne suis pas contre les évacuations. Je pense qu'elles peuvent être nécessaires pour des questions de sécurité publique. Il y a des endroits où les personnes, elles payent pour être dans le campement. Il y a des endroits où certains exercent une pression forte sur d'autres habitants de ce campement. Ça, c'est pas possible. Il faut aussi briser cette fonction qui est celle du plus fort sur le plus faible à l'intérieur du campement. Les situations de mendicité, elles sont pas souhaitables. Les situations qui consistent aussi éventuellement à avoir des activités de récupération de ferraille, voire des activités délinquantes, elles sont certes un résultat de la pauvreté, sans doute, mais il faut absolument les arrêter. Bon, donc les évacuations, elles peuvent aussi avoir cette raison d'être. Mais il faut qu'elles s'insèrent dans une stratégie. Il faut qu'elles soient à la base d'une réponse qui pense disparition au final du campement et du bidonville, parce qu'on aura travaillé sur l'insertion, parce qu'on aura aussi repoussé un certain nombre de personnes qui veulent instrumentaliser d'autres personnes du campement pour leur propre profit. Voilà, il faut jouer sur l'ensemble de la gamme et sans naïveté. Or, à Paris, il y a énormément d'acteurs qui doivent participer à la recherche de solutions et à leur mise en place. Là, par exemple, sur la Chapelle, vous avez la SNCF, vous avez la ville de Paris, puis vous avez aussi souvent les villes alentours. Vous allez avoir les départements, vous allez avoir les régions, l'État, bien sûr, dans ces différentes acceptions, les différentes préfectures. Vous voyez, il y a énormément de monde institutionnel qui doivent être mis en cohérence pour trouver des solutions qui s'appuient nécessairement sur une approche globale. La résolution de ces questions de grande précarité, c'est pas un bouton qu'on appuie en disant « ça y est, j'ai trouvé la martingale, j'appuie sur le bouton et hop, tout de suite, les gens, ils vont se retrouver dans une situation d'insertion ». Non, ça se construit dans la durée. Et donc, on a aussi calculé le coût de l'insertion. Donc, en gros, il faut compter 15 à 20 000 euros par personne et environ 2 ans d'action pour remettre des personnes qui sont en situation de grande précarité, pour les remettre dans le droit commun. Voilà, c'est ça les chiffres qui reviennent du terrain. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui sur ce bidonville, André Fégélès ? Eh bien, sur le plan judiciaire, le jugement est tombé le 13 septembre. Et la juge a accordé un délai de 30 jours qui courra à partir de la signification du jugement sur le bidonville. Est-ce que ça remet en question votre projet des bâtisseurs de cabanes ? Notre projet d'hameau passerelle, porté en particulier par l'association des bâtisseurs de cabanes, n'est absolument pas remis en question, au contraire, puisque c'est un projet de sortie des bidonvilles. Ce n'est pas un projet d'amélioration d'un bidonville, c'est un projet justement de permettre à des habitants d'avoir des solutions de relogement passerelle pendant un an, deux ans, trois ans, le temps qu'ils se reconstruisent pour effectivement ensuite aller dans le droit commun. Ça va être jamais fini si, avec les bidonvilles, si on ne laisse pas un délai plus long pour essayer de trouver un logement, un travail. S'ils ne sont pas stables sur un bidonville, ça va être jamais fini avec les bidonvilles en France. Il faut trouver ensemble avec la mairie, c'est pour ça qu'on a fait le projet Bâtisseur du Caban, pour trouver une solution de rester plus longtemps stable dans un endroit. En quelques mots, votre projet des bâtisseurs de cabanes, ça ressemblerait à quoi comme type d'habitat? C'est 60 minimes maisons en bois, avec salle de bain, cuisine, une chambre, ça. Une place aménagée pour les enfants, avec une petite école, ça. Là, on parle dans ce bidonville de gens qui viennent de Roumanie. Ça fait 20 ans que ça dure. Maintenant, il y a des migrants, etc. Et on voit que l'offre foncière, Cyril Anap, l'offre architecturale, l'offre même de logement social, n'est pas adaptée à ces situations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui n'ont pas de papier, qui arrivent en nombre, par vague. Tout ça, la ville ne sait pas faire. Tous les outils architecturaux qu'on a ne savent pas faire. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est inventer cette ville, que nous on l'a appelée la ville accueillante, qui saurait faire place à ces gens. Et par-delà ça, cette ville accueillante, finalement, elle renvoie même à des questions de développement durable au sens large, c'est-à-dire non seulement environnemental, mais aussi économique et social, et se dire que, spécialement dans une ville comme Paris, où on va dire qu'il y a une forme de blocage foncier, le prix de l'immobilier, le choix de la pierre, etc., font que cette ville ne sait plus évoluer, ne sait plus s'adapter. Et nous, la recherche qu'on a, justement, c'est de renouveler cette réflexion sur la ville, c'est-à-dire une ville qui serait recyclable, transformable, évolutive, et justement qui sache s'adapter au mode de vie changeant des gens. Et par-delà ça, nous, on part de la question de la dignité dans le cadre de vie. On parle des gens très pauvres. Mais on est bien conscient que cette question, au final, elle s'adresse à tout le monde. Finalement, il y a beaucoup de gens qui choisissent Olivier Leclerc. Une forme de précarité, mais une autoconstruction, très peu de moyens, et sortir de la logique de prêt, de banque, de crédit, et d'être libre, d'être propriétaire de sa terre, de son sol, et de surtout pas rentrer dans cette société de consommation et de crédit qui fait de nous un peu des esclaves des temps modernes. Donc, quelque part, c'est une forme d'avant-garde. Hein, dans le bidonville, que ce soit à Calais, que ce soit à la porte de la chapelle, il y a une forme d'avant-garde de la ville de demain. C'est un futur possible, en tout cas. Saint-Martin-le-Beau, en Touraine. C'est là que Nathalie a trouvé refuge, loin de la foule et de l'agitation des villes. Installée de manière illicite sur un terrain viticole non constructible, elle aussi risque à tout moment l'expulsion. Alors les huit, ça boit, mais il n'est pas méchant. Ça va, il a poussière. Alors chez moi, il ne faut pas avoir peur, il y a de la poussière. Hein. Parce qu'on est dans la forêt, c'est très sec cette année. Alors, très très sec. Où est-ce qu'on se trouve là, Nathalie ? En forêt, en lisière de forêt. Là où j'ai trouvé un terrain, à l'époque où je cherchais un terrain, et que je vivais en camion. Mais c'est un endroit assez... Eh ben, paradisiaque. Ouais, tous les gens qui viennent chez moi, voilà, c'est ce qu'ils me disent. Et puis quand je suis venue visiter ce terrain, je m'y suis vraiment sentie bien tout de suite, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je travaillais dans l'agriculture, donc tout ce qui était travaux agricoles, ça allait de la cueillette à la vigne, à l'effeuillage, et puis jusqu'en Espagne faire les mandarines, les oranges, voilà. Et je vivais en camion de par de la nécessité, en fait, parce qu'on ne vous loge pas, hein, donc il faut se débrouiller. Donc ça a duré combien de temps ? Ça a duré 15 ans. Donc c'était un terrain pour me baser quand je revenais en Touraine, voir ma famille. Et du coup, petit à petit, c'est devenu mon lieu de vie parce que j'ai arrêté de voyager, j'ai eu mon fils. Bah, je me suis basée là, quoi. Je suis tombée par hasard sur une annonce. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce terrain, quoi. Quand je l'ai acheté, le notaire m'avait certifié que je pourrais y mettre une caravane et en faire un terrain de loisir. Mais au bout d'un an, j'ai commencé à recevoir un courrier de mairie comme quoi il fallait que je demande une autorisation de mettre une caravane. Et là, la mairie m'a refusé. Donc j'ai été convoquée en gendarmerie pour une déposition. De là, ça fait 10 ans que je suis en procès avec la mairie pour pouvoir rester ici. Duflo, elle a fait un article de loi sur l'habitat léger. Ça s'appelle des pastillages où on pourrait légaliser. La mairie, elle pourrait reconnaître ce terrain et le pastiller. Il vous est revenu cher, ce terrain ? Les sapins, c'est ce que j'ai acheté en premier. Je l'avais acheté 3000 euros, celui-là, le premier. Il faisait 1700 mètres carrés. Et le deuxième terrain, là où nous sommes installés, il fait 4800 mètres carrés et je l'ai payé 3000 euros aussi, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça me revient à 6000 euros, le terrain. Et vous diriez combien pour la caravane, les cabanes ? Là, l'ensemble, ouais, je dirais 3000, 3500. Donc moins de 10 000. Moins pour de 10 000 le tout. Joe, sa cheminée en gambadant joyeusement sur ses petites pattes bien rondelettes, quand il vit s'avancer un charretier qui lui conseilla amicalement. Mais tu ne peux pas rester ainsi sans défense. Construis-toi une hutte avec cette paille que voici. Et tâche de ne pas te faire voir. Adieu, bonne chance. Joe suivit le conseil du brave homme et se construisit une petite hutte en paille. Tandis qu'il déjeunait, voilà qu'arriva le grand méchant loup. Bonjour, petit cochon. Ouvre-moi la porte. Non, non, non, je ne t'ouvrirai pas. Et alors, je soufflerai sur ta hutte et un instant te dévorerai. Donc là, c'est une caravane derrière qui est isolée avec des bottes de paille. Les oiseaux vont des fois faire des nids dedans, les troglodytes. Je trouve ça marrant. Entre les blocs de paille, hein, pour oui. dire, on aperçoit les fenêtres de la caravane. Ouais. Là, c'est ma chambre. C'est la chambre de Yanis. Donc voilà, avec la petite glycine qui monte. Une petite réserve d'eau pour le potager, puis les plantes. Alors des réserves d'eau, il y en a un petit peu partout disséminées, hein, parce qu'on est un peu obligé quand on n'a pas l'eau. Donc il y a comme des énormes poubelles, on pourrait dire, presque. Oui, ça fait 300 litres. J'en ai 3 fois 3. Et puis j'ai 2 tonnes d'eau plus loin aussi. Parce que du coup, je récupère mes eaux de pluie aussi pour arroser mes fraisiers. Parce que vous n'êtes pas relié au réseau Ah non, vous êtes complètement autonome. Je suis complètement autonome, ouais, au niveau énergie et eau, quoi. Voilà. Cette cabane, Nathalie, c'est vous qui l'avez construite ? Oui, avec des amis, à 2 ou 3. La première pièce avec des matériaux de récup, hein, elle m'a coûté à peu près 600 euros la première pièce. Bois, paille, carton. Et puis par la suite, on a fait une chambre. Alors là, j'ai mis beaucoup d'épaisseur de carton J'en ai mis contre le bois, j'ai mis ma paille, j'ai remis du carton et j'ai refait une finition bois. Vous avez appris sur le tas ? Oui, en faisant au fur et à mesure. C'est pas trop mal. Que fais-tu ? Tu fermes ta porte ? Ça m'est égal. Je soufflerai si fort que je la ferai tomber. Voici le vent de la mort auquel rien ne résiste. Comme elle est solide, ta maison, mais je soufflerai encore et te la mettrai par terre. Les trois petits cochons, c'est un très beau conte, sauf qu'aujourd'hui, à l'aune de l'écologie, on mettrait la fabrication de la maison en paille en premier, c'est-à-dire comme étant la plus exemplaire d'un point de vue environnemental. Thierry Paco, philosophe de l'urbain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est toujours une maison qui est un refuge fermé, c'est-à-dire une protection. La cabane, c'est le refuge. C'est un abri, là où on est en paix avec soi-même. Le mot cabane vient du provençal cabana, et c'est un terme qui désignait une petite maison. Et du reste, ça donnait un verbe qu'on n'utilise plus, cabaner. Cabaner, ça veut dire se loger, ça veut dire s'abriter quelque part. Je pense que l'être humain est topophile, c'est-à-dire ça, c'est une formule de Bachelard qui explique que l'être humain est un ami du lieu. Et donc, qu'on soit déshérité, qu'on soit sans abri, qu'on soit sans domicile fixe, on est toujours à la recherche d'un chez-soi. Donc là, on rentre dans la maison. Là, on est dans la pièce principale, en fait. La pièce de vie qui fait office de salon, salle à manger. Et puis là, la kitchenette, alors petite cuisine où je fais tout l'hiver, là. Avec l'évier, l'eau, j'ai l'eau au robinet, j'ai une petite pompe 12 volts, ouais, comme dans les camping-cars en fait. Hein. Et j'ai une petite douche de l'autre côté, donc j'ai l'eau chaude aussi, grâce à ça. Le poêle à bois. Le fameux poêle à bois. Et puis il y a le gros tuyau, comme sa couleur inox de chauffage qui traverse la pièce. Je laisse les portes ouvertes, hein. Et donc l'air chaud circule. Ah, c'est une pièce entièrement décorée, hein. Il y a des disques, il y a des photos, il y a des plantes, il y a plein de dessins de votre fils, ouais, accrochés au mur. On sent l'odeur du bois, c'est entièrement, bah oui, ah, entièrement habillé de bois, hein, comme des, un peu comme les chalets en fait. C'est, hein, des choses que moi je sens plus, mais ouais. Alors par là, on a une petite salle de bain. Avec cabine de douche. Et puis là, c'est mon toilette sèche. Donc voilà. Les copeaux avec une réserve en dessous que je débarde régulièrement. Et puis voilà, comme j'ai des amis menuisiers, ils me donnent leurs copeaux. Et après, là, c'est ma chambre. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta chambre ? Bureau, fauteuil, jouets, lit, armoire, commode, mur, plein de choses en fait. Vous avez déjà vécu en appartement ? J'ai déjà vécu en appartement, oui. J'ai eu un appartement très tôt, en 88. J'avais 18 ans. Et je ne me reverrai pas en HLM. Je ne pourrais plus, quoi. Les gens, les uns sur les autres, c'est dur à vivre, ça. J'ai vraiment l'impression de respecter la nature, quoi, en fait. Du fait de ne pas avoir l'eau à profusion. Vous tournez votre robinet, vous avez l'eau, vous la respectez pas de la même manière. Alors c'est que je dis, bon bah oui, c'est un peu des contraintes, mais moi, ça me va bien, quoi. Aujourd'hui, vous vivez de quoi, Nathalie ? Je suis au RSA. Et pour les fraises, je suis cotisant solidaire, en fait. Donc je me suis lancée sous ce mode-là, pour pas me casser la binette, quoi, parce que comme j'ai pas beaucoup de ressources... J'aperçois là des poules. Ah oui, là, il y en a deux, mais derrière, il y en a 30. Ouais, un peu de poules, des œufs. Il y a deux coqs adultes et un jeune coq qui s'entraînent tous les jours là pour chanter. Comment vous êtes perçue par les villageois ? Comme j'ai un enfant, je me pose souvent la question du regard des parents, des petits copains, quoi. Le fait qu'Yanis aille en maternelle à Saint-Martin, ils connaissent ma situation par rapport à la mairie. Donc, bah oui, qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Qu'est-ce que c'est un peu compliqué, quoi. Faire le saut, montrer aux gens que c'est possible et qu'on n'est pas pour autant insalubre. Moi, j'ai l'eau, comme vous pouvez le constater, on est normal. J'ai des très bonnes retombées des gens, en fait, qui me disent « mais vous dérangez personne, là-haut ?» Et donc, les gens ont vu ce que j'ai fait. Et beaucoup d'anciens m'ont dit « Ah, c'est bien, vous avez bien nettoyé, c'est chouette ce que vous avez fait. » J'ai eu des très bonnes retombées avec ça aussi. Le fait de vivre ici, Nathalie, pour vous, vous diriez que c'est un choix contraint, par défaut ou... J'ai pas les moyens de pouvoir prendre quelque chose dans du conventionnel. Acquérir une maison, j'ai pas les moyens. J'ai 47 ans, je me vois pas faire un crédit à l'âge que j'ai, puis de toute façon il me serait pas accordé, j'ai pas suffisamment de ressources. En même temps, c'est aussi choisi parce que voilà, je suis à proximité de la nature et je suis heureuse, je suis dans mon élément, quoi. C'est pour ça que je suis là aussi. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec la mairie de Saint-Martin-de-Beau, Nathalie ? Eh ben aujourd'hui, dernière procédure juridique, donc j'ai été reconnue coupable et j'ai été assignée à 8 euros d'amende journalière. Et vous les payez ? Pour le moment, non, je les mets de côté, mais j'ai pas l'intention de démonter. S'il faut aller aux bulles, j'attends les bulles. Bulldozer ? Bulldozer. Ce sera eux qui démonteront, pas moi. Moi, ça m'est impossible de démonter un habitat où je suis confortable, j'ai pas froid. Moi, je suis très bien chez moi. Je vais pas démonter un habitat qui va bien, quoi. Alors qu'il y a des gens qui arrivent pas à se loger, même. Ouais. Merci à André Fégélès, Christian Padour, Olivier Leclerc et Cyril Anap, Sylvain Mathieu, Olivier Pérou, Nathalie Jantet et Aline Tudor, Gaspard, Thierry Paco, Nathalie Douma et son fils Yanis. Prise de son, Christophe Papon, mixage, Éric Boisset. Ouvrez la porte et que j'entre. Non, de partout les poils de mon maison. Je vais m'enfler, essouffler et la maison défoncer. C'était Touche pas à ma cabane, de la porte de la chapelle à Saint-Martin-le-Beau, un documentaire de Jérôme Sandelars réalisé par Véronique Samouilov. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur la petite ceinture, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne à Olivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, mon rêve de HLM. Mais en attendant, restez à l'écoute.